dans ma vie si je peux pas paraître ridicule. Ramène les 1 par 1, je leur mets des virgules. Des zéros rajoutant après la virgule. Je veux ma part, je sais qu'il y en a plein qui circulent. J'ai l'œil du faucon, les crocs du pitbull. J'ai sonné, traîné, dormi sur le bitume. J'ai pris des bonnes et mauvaises habitudes. J'ai pris des bonnes et des mauvaises décisions. Le son est correction à répétition. Je réfléchis, faut que je les baise avec précision. Bas les couilles, je peux pas passer dans leurs émissions. L'impression que je nage à contre-courant. On s'égare pendant que le monde est mourant. Je cours après le bonheur comme sur un tapis roulant. Faut que je sorte ces putains de sables mouvants. Dans ma vitesse, j'écoute pas les gossips. C'est mon business, c'est moi qui négocie. Je cache ma haine derrière le micro, je m'égosie. Je fais tout mon possible pour ta banque qui grossit. Mais y'a mes rêves qui veulent manger aussi. Donc je compte la maille. Je me dis que c'est toujours pas assez pour que je prenne ma revanche sur le pass. Essaye de jack et rejoins ma tasse. Et main dans les poches de la veste, ma tasse. J'ai du seum, mon temps comme en baisse. Personne pourra me tenir en laisse. J'ai plus des larmes, j'ai vu des boules en yes. Il me faut du cash, j'ai trop compté mes pièces. J'ai fait des exploits, j'ai fait des erreurs. Sous les étoiles, affronter mes peurs. J'fais des rêves, je loue dans mon sommeil. Tous les jours, injecter mon sommeil. J'ai du seum, mon taux d'amour en baisse. Personne pourra me tenir en laisse. J'ai vu des larmes, j'ai vu des foules en liesse. Il me faut du cash, ça y est, faut que je me barre d'ici. GOS, si tu payes bien, je participe. Rien que ça parle de moi, j'ai les oreilles qui ciblent. J'ai même pas besoin que Twitter me certifie. On m'a dit gagneront ceux qui le voudront. Donc j'ai laissé sang et sueur sur le goudron. J'ai noyé mes larmes dans le bourbon. Quand j'étais seul avec le bourdon, c'est toujours pareil depuis le point de départ. Je compte qu'un jour tous les liens se séparent. Un pied dans le mal, un dans le bien, je m'écarte. Les deux opposés, je fais le grand écart. J'ai tué mes idées morbides, et idées sordides. J'ai poussé parmi les orties, Gucci Gucci assorti. Toujours en mal quand je suis de sortie. Peu importe si mon cœur est plein de tourments. Si j'attends qu'on veut prendre un nouveau tournant. Nouvel schneck, nouveau chèque, nouveau virement. Faut que je sorte, faut que je m'écarte de l'ordinaire. Même si le cœur est froid comme la rue dehors l'hiver. J'ai du seum, mon taux d'amour en baisse. Personne pourra me tenir en laisse. J'ai vu des larmes, j'ai vu des foules en liesse. Il me faut du cash, j'ai trop compté mes pièces. J'ai fait des